chapeau pas, chapeau pas, guitare à la bouche. Guitare à la bouche, chapeau pas, chapeau pas, guitare à la bouche. Guitare à la bouche. De jour en jour, on m'en robe s'embellit. Je reste le même, même quand je bois des litres. C'est voulu si je mets pas le but comme Balotelli. Et oui, Don Pietro, je fais donner par génie. Ma maman dit, c'est rien, laisse-les parler. Ils savent pas faire le quart de ce que tu fais. Ils aiment des rumeurs qui me font marrer. Fais même pas un 06. À dire qu'hier, tu me faisais le grossiste. Maintenant, à chaque contrôle, je fais faire le signe du la police. Fais même pas un 06. À dire qu'hier, tu me faisais le grossiste. Maintenant, à chaque contrôle, je fais faire le signe du la police. Faut que t'accoste, oh putain, ouais, t'es trop fraîche. Oh man, calme-toi vite, tu vas te prendre une baisse. Si t'es mon frère, un problème, faut que tu sois là. J't'ai préparé le trou pour que ça te para. Tu t'es manqué, ben ouais, tu paieras. Calé, j'regarde les étoiles là. Pas le temps de jouer le gaillard. La vie, c'est plein d'énigmes comme dans Fort Boyard. C'est la guerre, j'suis en manque de dollars. J'suis au quartier, j'vois le beau temps. Me croiser pour toi, ça sera embêtant. J'suis juste un homme, j'fais pas le titan. Quand j'suis pas fait, c'est la zik qui me détend. Guitare à la bouche, chapeau de paille, guitare à la bouche, guitare à la bouche.